je vais faire comme Jacques dimanche passé, je vais prendre très peu de temps. Donc, je pense qu'à 30, c'est une très, très bonne chose. Il fait très chaud, merci. Il fait très chaud, je vais finir. Donc, on en a pour 20 minutes et ensuite, on aura un dernier chant qui est une composition spéciale. Je ne sais pas si c'est pour l'occasion ou pas. On va écouter le chant et puis on se séparera. Ce sera la fin du culte. Ça vous va? 20 minutes, c'est bon, vous supportez? Bon, ok. Donc, mon partage va porter sur le livre de Job. Et là, j'entends des « oh ». Non, il n'y a pas de « oh ». Bon. Ça va porter sur le livre de Job. Parce que ce livre, en fait, m'a toujours interpellé. C'est un livre qui est poétique, qui est philosophique, c'est un livre qui est polémique. C'est un livre qui est intéressant. C'est l'un des plus intéressants que moi, je trouve dans la Bible. À part Samuel qui parle de David, c'est mon personnage préféré, mais c'est un livre qui est très intéressant. Ce livre parle de la souffrance du juste. Le juste qui est accusé injustement par ses amis, par la circonstance, etc. Et qui souffre pour la cause de Dieu. Ou on ne sait pas. Mais bref. Donc, c'est le thème principal, la souffrance du juste. À la limite, ça peut ne pas être très intéressant, la souffrance du juste. Bon, c'est un culte africain, on aimerait quelque chose de plus joyeux, de plus... Mais je pense que même, et surtout parce que, surtout en Afrique, je crois qu'on a c'est un terme qui nous interpelle beaucoup. C'est quelque chose qu'on vit, avec lequel on vit quasiment tout le temps. Il n'y a quasiment pas de sécurité sociale. Il y a des choses qu'ici on prend pour acquis, mais qu'en Afrique on n'a pas pour acquis. Il y a des choses, si je suis malade, je vais voir le médecin. Ce n'est pas évident quand on n'a pas d'argent et quand il n'y a pas de médecin. Ici, c'est pas un risque. On ne craint pas de tomber malade. Ce n'est pas un problème si j'ai un rhume ou si j'ai une petite gastro. Je prends un petit médicament, je vais à Jean Coutu. Mais en Afrique, c'est différent. Enfin, pas en Afrique, je parle des coins les plus reculés. C'est plus difficile. Tomber malade, c'est une vraie crainte. Donc, avoir une assurance de ne pas tomber malade, avoir quelque chose sur quoi je peux m'appuyer qui va me permettre de savoir que ben, y a quelqu'un qui est là pour m'aider, pour ne pas que je tombe malade, pour ne pas que je perde mon travail, etc. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre foi. La plupart du temps, l'explication la plus admise pour le livre de Job, et ça, je pense que tous ici, on l'a eu, quelle que soit notre église, quel que soit notre background chrétien, on nous a toujours dit que Job, c'est l'histoire de Dieu qui met le juste à l'épreuve pour tester sa foi, pour voir si dans l'adversité, le juste va garder sa foi. Ou chez les témoins de Jéhovah, j'ai fait un tour chez les témoins de Jéhovah il y a très longtemps, c'était un conflit, Job personnifiait le conflit entre Dieu et le diable pour savoir qui finalement aurait le cœur des hommes, qui gagnerait le cœur des hommes. C'était une guerre entre Dieu et le diable. Donc, il s'appuie sur le premier chapitre. Bon, ça, c'est l'explication qu'on a donnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, l'idée d'être injustement accusé d'une faute qu'on n'a pas commise est considérée comme un malfaiteur est quelque chose que, universellement, l'homme rejette. On accepte de souffrir. On accepte d'être calomnié. Mais pour une faute qu'on n'a pas commise, être traité de malfaiteur pour une faute, être mis à l'index, être pointé, être mis en jugement pour quelque chose qu'on n'a pas commis, pour l'être humain en général, quel que soit son background, c'est l'injustice suprême. D'ailleurs, Hollywood, on a fait plein de films. Il y a plein de films comme ça où l'homme, un homme d'affaires par exemple, vertueux, père de famille, va à l'étranger, il est accusé d'un meurtre, il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis, et puis quelqu'un lui vient en aide, il y a un procès ou je ne sais pas quoi, et à la fin il réussit à s'évader ou à prouver son innocence. Ou quelqu'un qui est au poste, qui est déchu, etc. etc. Donc cette image-là a été reprise plusieurs fois même dans le cinéma, parce que c'est quelque chose qui parle au cœur de l'homme. Être traité de malfaiteur alors que je n'ai rien fait. Cette histoire, par exemple, on a un premier exemple dans la Bible avec Joseph, qui était accusé d'avoir couché avec la femme de Potiphar alors qu'il n'avait rien fait. Enfin, au passage, c'est la femme quand même qui avait... Bon, bref, tout le monde connaît l'histoire. Voilà, l'histoire se termine bien pour lui. Mais c'était très dur pour lui. Il ne comprenait pas le fait qu'il soit en prison. Et même en prison, il a aidé des gens qui étaient haut placés. Il leur a rendu service. Il leur a dit, quand vous sortirez de là, souvenez-vous de moi. Ils sont partis, ils l'ont oublié. Ça, ça a travaillé quand même. Quand on lit, il a dit quand même, qu'on mette en prison, que cette femme, je sais que cette femme-là, elle est mauvaise, qu'elle me fasse mettre en prison par son mari. Entre parenthèses, au passage, à mon avis, le mari quand même, je crois qu'il devait quand même se douter un peu, que la femme n'était pas... Enfin bref, qu'on le mette en prison, ça a été très difficile. Mais que quelqu'un prenne la faute de quelqu'un d'autre et la prenne pour soi, c'est très difficile ça. Et il y a une seule personne dans toute la Bible qui l'a fait et qui a pris la faute de tout le monde, qui a accepté d'aller jusqu'à cette extrémité-là. Pour l'homme, c'est très difficile de le faire. Et donc, l'explication courante de Job, c'est Dieu qui met le juste à l'épreuve et qui à la fin récompense sa foi. Bon, moi cette explication-là, elle m'a, c'est ce que j'ai reçu, c'est l'enseignement que j'ai reçu. Mais c'est vrai que plusieurs fois, je trouvais ça trop simple. Parce qu'il y avait des questions fondamentales que Job posait, ou des questions que le livre posait, auxquelles cette explication ne répondait pas. Et puis il y a des choses qui ne rentraient pas dans les cases. Il y a des questions fondamentales qui ne rentraient pas dans les cases. Donc pour commencer, on va commencer par lire le livre de Job, juste deux chapitres. Les deux premiers, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, pour ceux qui veulent ouvrir, sinon écoutez simplement. Job au chapitre 1, verset 1. Liam, va t'asseoir. Il y avait dans le pays d'Outz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, s'il détournait du mal. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Moi, j'en ai que 3 déjà. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Bref, il était multimilliardaire. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Donc, c'est un homme très important. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu, donc les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. D'où viens-tu ? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La suite du passage, la plupart de nous la connaissent. Il perd ses troupeaux, il perd ses serviteurs, il perd ses enfants. Il perd tout, ce qu'il avait. Il y a des pilleurs qui arrivent, qui prennent tout. Tes enfants, il y a un vent qui vient, ils étaient sous une tente, la tente tombe, ça les tue, tout le monde est mort. Il n'y a plus que lui et sa femme, quoique la femme, bref. Et donc, quand il a appris tout ça, au verset 20, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre et se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présentait devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Même réponse. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Dieu qui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère, malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc voilà l'entrée d'histoire. Le reste de l'histoire, c'est ces 3 amis qui viennent le consoler. Au passage, des amis comme ça, moi j'en passerai. Qui viennent le consoler pendant... Parce qu'il faut comprendre quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas perdu 1 mouton, 2 moutons. C'est, je ne sais pas si on peut s'imaginer qu'est-ce que ça fait 1 000 moutons. Même juste dans le quartier de Schlager-Maisonneuve, on lâche 1 000 brebis, 1 000 machins dans le quartier. Ça va faire un beau fouillis. Alors vous imaginez 5 000, 6 000, des moutons, des chameaux. Cet homme avait une richesse considérable. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait même, on dirait c'est un multimilliardaire, je ne sais pas s'il y a cette richesse-là au Québec, mais d'un coup il perd tout. Et il perd ses enfants, ses 3 filles, ses 7 fils, il perd tous ses enfants, d'un seul coup tout le monde meurt. Ses amis arrivés pendant 7 jours n'arrivent pas à lui parler. Parce que bon, qu'est-ce que vous allez dire ? Tout ça parce que Dieu a voulu mettre la foi d'un homme à l'épreuve, tester sa foi. Bon, ok. Il veut tester sa foi, c'est son droit, il n'y a aucun problème. Bon. Mais moi, j'ai juste quelques questions me tarauder l'esprit. La première, c'est si Job est vertueux. Parce que quand Satan arrive, c'est Dieu qui dit que Job. As-tu remarqué, mon serviteur Job, qui est intègre dans sa voie, oui ou non? Non? C'est bien Dieu qui dit que Job est intègre. Bon, ok. Bon. Moi, si je sais que quelque chose est intègre, est solide et, casse, et ne casse pas, je ne vais pas aller mettre un coup de dent, je vais me casser les dents. Je dis quelque chose, je sais ce que je dis. Pourquoi alors mettre à l'épreuve? Si Job est intègre, je sais que Job est intègre. Et c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui porte témoignage d'un homme. Déjà, c'est rare dans la Bible. Il y a Corneille, il n'y a pas beaucoup de gens à qui il a fait ça. Mais Dieu dit que Job est intègre. Alors, pourquoi le mettre à l'épreuve? Pourquoi tester vouloir tester l'intégrité? Parce que ça, c'est dans le sens, on prend le test dans le sens de test, tester, voir si ça va casser. Où est l'intérêt de voir jusqu'à où l'individu peut tenir jusqu'à casser? La deuxième question, c'est, ok, on dit, mais c'est pour prouver à Satan que Job, quand même, pouvait, que les hommes pouvaient demeurer fidèles à Dieu. Ça, c'est l'explication qui m'a été donnée par des témoins de Jéhovah. C'est pour prouver à Satan que l'humanité peut être fidèle à Dieu. Ok, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec Satan? Pourquoi rentrer dans son jeu? Moi, si un étranger rentre chez moi et il dit quelque chose, qu'est-ce que moi, s'il a tort ou a raison, qu'est-ce que j'en ai à faire? Où est mon problème pour ce gars-là? Qu'est-ce qu'il importe pour moi ce qu'il pense? Alors, moi, la question que je me pose, c'est oui, mais quelle importance que Satan pense? Pourquoi est-ce si important que ça? Quand Dieu dit, tu m'excites en vain à le perdre, c'est comme si Dieu ne voulait pas. Mais Satan le pousse, le provoque, c'est comme une bagarre. On croirait un peu une bagarre d'enfant, tu vois. Tu n'es pas capable de faire ça. Ah, si, tu vas voir. Et puis, paf, c'est un peu ça. Ensuite, vers la fin, ceux qui ont lu un peu le livre, et pour ceux qui ne connaissent pas, à la fin, Job, il a tout. On lui remet tout. Il est restauré parce qu'il a tenu ferme. Il est restauré. Mais Dieu dit à Job, bon, ok, je te restaure, je te rends tes enfants. Enfin, non, il a eu d'autres enfants. Il est restauré, on lui a rendu sa richesse, le double de ce qu'il avait avant. Donc, il était méga, méga, méga multimilliardaire. Par contre, Dieu a dit, tout ça c'est bien, mais tes trois amis là, qui sont venus, qui ont parlé, moi j'ai une dent contre eux. Donc, tu vas faire un holocauste, fais un sacrifice, pour que je puisse leur pardonner. Parce que ces trois là, quand ils ont tourné au coin de la rue, moi je vais m'en occuper. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mal parlé. Et pourtant, quand on lit le discours des amis de Job, c'est des discours très poétiques. C'est des discours qui parlent de la grandeur de Dieu, qui parlent de la magnificence de Dieu, qui parlent de la création, des merveilles de la création. C'est des livres, c'est des passages où on a même des références dans Psaume. Donc c'est très poétique, c'est très beau. Ils disent que Dieu est magnifique, Dieu est grand, Dieu est bien au-dessus de toi, ses voix sont au-dessus de tes voix, etc. On est d'accord avec ça. Quand moi, le jour où j'ai lu ça, la première fois, je me suis dit, mais c'est très fort. Moi, j'aurais jamais pu imaginer dire des choses comme ça. Mais la question, c'est pourquoi ça fâchait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il s'est fâché contre ses amis alors que les amis de Job, justement, ils disaient à Job, toi, tais-toi. Dieu sait ce qu'il fait. Il est bien au-dessus de toi. Évidemment, si il te frappe comme ça, c'est que tu es quelque part, il y a un truc qui n'est pas clair dans ta vie. C'est pour ça qu'il agit. Bon, ok, ça, c'est le mauvais côté. Mais sinon, à part ça, ils ont quand même glorifié le Seigneur. Pourquoi Dieu s'est fâché contre eux? Ensuite, il y a les trois amis. Mais il y a un quatrième qui vient, qui s'appelle Eliou, qui vers la fin, c'est le plus jeune. Alors, pendant que les trois parlent, à présent, je n'ai pas parlé, hein, parce que vous étiez vieux, vous étiez plus vieux que moi, c'est le respect, je respecte, pas de problème. Mais là, c'est n'importe quoi. Il faut que maintenant, moi aussi, il faut que je parle, il faut que je montre ma sagesse, et Eliou qui part de son discours. Ok? Mais à la fin, Dieu est fâché contre les trois amis, mais pas contre Eliou. Ok. Personne ne me dit rien, là. On te le dit, là. Bande de Judas. C'est bon, non. T'es comme un ami de Job. Alors, c'est bon? Allô? Bon. Ce livre de Job, il y a des théologiens qui ont écrit des tomes et des tomes. On ne peut pas en 20 minutes faire l'exégèse du livre, ce n'est pas possible. Rien que l'introduction, rien que la conclusion, rien que le discours d'un des amis, il y a des rabbins qui sont penchés sur le discours des amis de Job, qui ont dit que chaque ami de Job représente un courant de pensée, etc. Bon, il n'y a pas le temps. je vais faire très court. Juste une chose. Dans le récit, il y a plusieurs ruptures, c'est-à-dire il y a plusieurs points qui ne cadrent pas. Premièrement, Satan. On en parle au début. Il est le point central au début. Mais pourtant, à la fin, quand Job, on lui remet tout ses biens, on ne parle plus de Satan, on l'a oublié. Et dans tout le récit, c'est comme s'il est juste au début, mais tous les personnages sont là. Les amis de Job, Job, Dieu, tous ces personnages interagissent tout le long du livre. Mais à la fin, Satan, lui, et même au milieu, lui, on n'en parle plus. Une fois qu'il a fait sa pagaille, là, il est parti, terminé, on l'a oublié. Donc, c'est un peu comme s'il a été rajouté tardivement, ou on ne sait pas trop. Ça pose un peu des questions. Un autre point de rupture, c'est la femme de Job. Au début, on place l'histoire. Dieu, Satan, Job, ses richesses, ses enfants. Sa femme, on n'en parle pas. On en parle juste quand elle vient pour bien, comment on dit, achaler Job, en disant, tu n'as qu'à le maudire et meurs. C'est juste à la fin où, au milieu, premier chapitre, elle apparaît pour lui dire, maudit Dieu et meurs, c'est tout. Et on n'en parle plus après. Bon, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les femmes ne peuvent pas servir Dieu. Ah, quand même! Bon. Non, mais c'est pour si vous dormiez. Non, mais cela dit, cette femme-là, moi, je suis plus proche de cette femme, je me considère, que de Job. Parce que, franchement, c'est perdre ses enfants comme ça, je comprends la douleur de cette femme-là. Mais bon, passons. Mais le problème est qu'on n'en parle pas. À la fin, on dit Job a eu d'autres enfants. Dieu lui a rendu ses enfants, enfin, lui a rendu, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas cloné. Mais il a eu d'autres enfants et c'est bien. Mais pourtant, par qui il les a eu, par quoi? La femme, on n'en parle pas. C'est bizarre. Enfin, Eliou, le quatrième ami. Job avait trois amis, ok? Donc, ils discutent, tatatata, et c'est vers la fin, au chapitre 32, où Eliou arrive, machin, et puis il commence son speech. Et son speech, il n'est pas dans la même ligne que ses amis. C'est comme si, c'est un peu, c'est, bon. Bref, donc pour certains, ils ont dit que le livre de Job est un livre composite qui n'a pas été fait en une seule fois, qui a été, il y a eu des rajouts, il y a eu des, etc., etc. Mon propos n'est pas là. Juste les questions que j'ai posées précédemment. On va essayer juste de répondre. Bon, peut-être que les réponses ne vous conviendront pas ou seront incomplètes, mais bon, juste essayer un peu d'y répondre. Initialement, on dit que Job est vertueux et Dieu essaie de le tester. Okay. Donc le but de tout ça, c'était de tester Job. Dieu voulait voir si jusqu'où est-ce que Job va tenir. Moi, je pense que ça fait de Dieu un sadique. Hein. Parce que, écoutez, le monsieur, il est là tranquille, il sert le Seigneur et Dieu veut voir jusqu'à où est-ce qu'il va me servir. Je vais essayer de tordre, voir jusqu'à où ça va casser. Je pense pas. Ça n'a rien à voir. Premièrement, pourquoi? Parce que quand Dieu arrive, quand Satan arrive devant le trône de Dieu, qui lui adresse la parole? Qui est le premier à lui adresser la parole? Hein? Ok. Qui est le premier à avoir mis Job dans l'histoire? Qui a parlé de Job? Bon, ok. Katia, je pense que tout le monde connaît Katia. Katia fait du volleyball. Ok? Bon. Katia, supposons qu'elle va au championnat, champion du monde, elle va machin. Bon, elle est très douée. Mais supposons que ça aille encore plus loin. Enfin, espérons surtout. Et que, elle est dans les finalistes des championnats du monde. Elle devient célèbre, elle devient connue. Elle s'achète une grosse maison à Outremont, bien cachée, avec une grande piscine, grande villa, trois voitures, le truc bien bing-bing, ok? Supposons qu'elle a une fortune maintenant colossale. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la pub, les gens aiment ça, les sportifs. Elle fait de la pub, elle a des contrats partout, elle a des contrats avec Nike, avec Reebok, etc., etc., ok? Bon, je pense que Daniel sera quand même un peu fier. Un pieu. Voilà! Ok? Il sera son gérant. Bien. Supposons maintenant un instant qu'on a relâché un Hell's Angel, connu comme étant le pire des pires, des pires, des pires, des pires, ok? Il passe par là, il croise Daniel, apparemment il se connaissait dans une rue avant, il habitait machin, il croit, oh comment ça va? Oh ça va. Et là, Daniel qui lui dit, mais tu sais quoi? Ma fille, oh, elle est maintenant plein aux as, t'as aucune idée. Tu sais, elle habite à telle adresse, tu vois, c'est à Outremont, 5 rues, Archambault, elle habite là-bas, mais elle a une baraque, mais je te dis, elle a fait installer un système d'alarme. Bon. Parce que tu es un pote, je te donnais, je suis dans le code d'alarme. Et tu files le code, ok? Est-ce que vraiment ça a l'allure? C'est un peu bizarre. En gros, Satan se balade partout, il fait des mauvais coups partout, il arrive et Dieu ne trouve rien que de lui dire, au fait, t'as remarqué Job là? Mais évidemment qu'il va aller lui faire du... Il va tomber dessus. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est pas Satan qui a décidé en fait tout seul de taper sur Job. C'était pas ça. En fait, en gros, tout ça là, il s'est laissé manipuler. De bout en bout, il a fait la volonté de Dieu. De bout en bout. C'est pas lui qui est venu inciter Dieu à faire du mal à Job. Non. Et Dieu l'a utilisé lui comme vecteur pour pas faire du mal. Dieu avait un but derrière. Un but beaucoup plus profond que simplement un test, ça n'avait rien à voir. Job servait Dieu, mais il manquait quelque chose à Job. À la fin, Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Job avait un culte qui plaisait à Dieu. Mais Dieu voulait amener Job à un autre niveau. Pas parce qu'il était insatisfait de Job, mais parce que Job avait un culte simplement de on dit. On l'avait dit, on sert Dieu comme ça. Et pour lui, c'était un homme juste. Il avait intégré en lui-même. Il avait intégré cette éthique. Il la suivait à la lettre. Il le faisait parce que c'était ses propres valeurs. Il les avait intégrées. Mais il y a quelque chose qui manquait à Job. C'est une connaissance intime de Dieu. Et ça manquait. La seule façon, moi je ne peux pas dire qu'il y a d'autres façons de faire, mais la façon qu'a trouvé le Seigneur, c'est cette voie-là. Le deuxième, c'est les amis de Job. La question qu'on pose sur les amis de Job, on se demande, mais oui, mais les amis de Job, pourquoi est-ce que Dieu les a punis? Ben, simplement pour une chose, parce que les amis de Job soupçonnaient Job de mal faire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pendant longtemps, ils venaient, on mangeait ensemble. Imaginons, bon, vous avez un ami qui vient chez vous, qui vient vous voir, ok? On vient vous voir, on mange ensemble. Moi, j'ai un ami, mon meilleur ami s'appelle Glenn. Il s'appelle Glenn. Alors, avec Glenn, on a grandi ensemble, il est chrétien aussi, on est venu aussi en même temps, on partage beaucoup de choses. Ok? Bon. Si un jour on me dit, on accuse Yann de détournement de mineur, par exemple, détournement de mineur. Le truc bien pire. De viol sur mineur. Ok? C'est quelque chose que Glenn ne croira jamais. Comment dire, on aura beau le lui dire, on dit non mais voilà, il a été arrêté, ce sera, il n'y croira pas. Moi c'est pareil pour lui, c'est un ami pour moi, je le connais, on se connaît, c'est aberrant qu'on l'accuse de ça. Moi j'y croirais pas, jusqu'à ce qu'on m'amène des preuves indiscutables. Là je dirais oui, il l'a fait, mais malgré tout ça restera mon ami, je vais le soutenir. La Bible dit que même quand il pêche, un ami a droit à la compassion de ses amis, quand même, un homme a droit à la compassion de ses amis. Mais les amis de Job, ils viennent, ils lui disent, Dieu est comme ça, Dieu est carré, si t'as machin, c'est parce que t'as péché, schlac. Vous parlez à un homme qui a perdu ses enfants, tous ses enfants quand même. Un homme qui a perdu tout ce qui fait sa fierté. Un homme qui a été réduit à rien. Il dit, même les gens de rien du tout maintenant se moquent de lui. Quelqu'un qui était vraiment considéré. Ça, c'est une bande d'amis. Ok? Mais à la limite, on peut dire, bon, ok, le problème c'est entre Job et ses amis, pourquoi Dieu se fâche? Principalement, Dieu s'est fâché parce que les amis de Job n'ont pas présenté le vrai visage de Dieu. Quand je ne lirai pas parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Si vous lisez ce que les amis de Job disent, ils disent que Dieu est juste, il punit le méchant. C'est vrai, la Bible dit, puis il rétribue le juste. Oui, c'est vrai, la Bible dit. Mais eux, ils restaient là. Ils disent, Dieu punit les méchants et fait du bien aux gentils. Eux, leur logique était simple. Ça veut dire que si Dieu t'a fait du mal, ça veut dire que tu es méchant. La logique était très simple. Il restreignait Dieu à sa loi. C'est que c'est là, poum, c'est zéro, c'est un, c'est zéro. Tu fais mal, puis il te frappe. Tu fais du bien, il ne te frappe pas. Et Job, dedans, il disait, oui, mais attendez, il y a des gens qui commettent l'iniquité là, mais pourtant, ils sont là, ils sont bien, rien ne... Mais voilà, Job, voulait machin, bref, c'est un autre débat, mais le truc est là, le point central est là. Il n'avait pas dépeint Dieu exact comme il se devait. Le seul qui l'a fait, c'est Eliou. Ça, c'est juste le seul passage qu'on va lire. On va lire Job chapitre 32. Job chapitre 32. Donc, dans Job chapitre 32, Eliou commence à parler. Et là, il a une autre vision. C'est lui qui parle, comment dire. Il a un discours qui est autre que celui des autres. Mais on va passer toute l'introduction, etc., etc. Je vais parler, etc. On va passer toute l'introduction. Allons au chapitre 33, verset 19. Chapitre 33, verset 19. Ça, c'est Eliou, le quatrième ami qui parle et qui dit « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. lui laisse voir sa face avec joie. Il lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse. La rupture complète, totale, avec les autres amis, c'est que Eliou, il reprend Job. Il dit à Job, arrête de parler n'importe comment. Mais Eliou a deux choses qu'il dit ici. Il fait intervenir deux choses. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ce dont les amis n'ont jamais... Parce que pour eux, c'était une aberration. On fait du mal, on est frappé. Quelqu'un définissait la miséricorde de Dieu comme ne pas nous traiter selon nos péchés. Ne pas nous traiter selon notre mérite dans nos péchés. Ça, c'est ce que quelqu'un définissait comme la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de nous traiter mieux que ceux qu'on méritait. Donc déjà, ceux qu'on méritait, on ne nous le fait pas. On dit, ok, je passe l'éponge. Mais en plus de ça, on rajoute une couche. Parce qu'il faut remarquer ce qu'on dit, il dit, mais sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. C'est-à-dire que même, on te rend même plus que ce que tu avais au moment où tu es tombé. Et c'est ça en quoi Eliou est en total, pas désaccord, mais quelque chose qui n'est pas dans la ligne de ses trois amis. Et c'est pourquoi à la fin, Dieu est fâché contre ses trois amis, mais pas contre Eliou. Ou certains diraient, simplement parce que Eliou, dans la première version de l'histoire, n'était pas là. Bon, ça c'est un autre débat. Ça nous introduit en fait à la souffrance. Pourquoi est-ce que Job a eu à souffrir tout cela? On le voit à la fin. Il a une relation qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Il a eu une intensité pendant laquelle il est rentré en lui, il s'est posé des questions, il a interrogé ses amis, il a interrogé Dieu. Il y a eu un débat, parce que quand Dieu lui a répondu, après il a dit « je me tais ». Parce que là, c'est trop fort pour moi. Mais quelqu'un dirait que Job avait une religion apprise, une religion de pratique. Job n'était pas un philosophe, mais la souffrance l'a amené à être philosophe, à s'interroger, à rentrer. Il y avait un philosophe espagnol, Mohamed, qui disait qu'une religion qui ne s'interroge pas ne vaut pas grand-chose. Une religion qu'on n'interroge pas, que tu ne remets pas en cause, ça ne vaut pas grand-chose. Tu ne fais que pratiquer, que répéter ce qu'on t'a donné, ça ne mène à rien. Donc c'est dommage, mon temps est écoulé. Est-ce que je prends 5 minutes de plus? 5 minutes? Je prends 5 minutes de plus. La souffrance, en règle générale, la souffrance, c'est quelque chose qu'on peut définir comme une limitation de ma liberté. Mais une limitation de ma liberté que moi, je conçois comme incontournable, comme sans issue. La liberté de jugement de mon corps. Par exemple, on m'enferme en prison. Je ne peux pas jurer de ma liberté et j'y peux rien. Et il n'y a aucune solution, sauf si le magistrat dit, voilà, il est innocenté. Une grande maladie, par exemple, c'est la liberté de jurer de mes membres. Je ne peux pas en jouir parce que cette maladie est là. Et moi, je n'y peux rien. Je n'ai pas mon mot à dire. La différence entre la famine et le jeûne, c'est que dans l'un, on a le choix de que ça s'arrête. Sinon, on ne mange pas, les deux. On ne mange pas, on ne boit pas. Mais dans un cas, c'est subi. On n'a pas le choix, on n'a pas la nourriture, on n'a pas la possibilité d'en avoir. Et ça, c'est une souffrance. Dans l'autre cas, c'est un choix, c'est le jeûne. On peut évidemment souffrir dans le corps, mais on ne le considère pas comme une grande souffrance. C'est un choix. La solitude aussi, parfois c'est une souffrance et parfois non. La seule différence, parfois, c'est quand tu as le choix de la solitude. Il y en a qui payent pour ça. Je veux aller dans un chalet tranquillement, j'ai un bouquin, il n'y a personne à 100 km à la ronde, je suis seul pendant 2 jours. Tranquille. Non, il n'y a aucun message caché. Mais je vois, ma femme me regarde. Non. Mais je veux dire, j'ai le choix. C'est moi qui l'ai choisi. Si c'est un choix, ce n'est pas une souffrance. Mais pour les gens qui sont seuls chez eux, que personne ne vient visiter, ils sont complètement coupés. Ils ne voient personne. Ça, pour eux, ce n'est pas un choix. Et là, c'est une souffrance. C'est une limitation. Il y a un philosophe, Lévinas, un philosophe juif du XXe siècle, qui disait que l'épreuve suprême de la liberté, ce n'est pas la mort, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Parce que même la mort, certains peuvent la choisir librement. À cause de la souffrance, à cause du désespoir. Mais Là, c'est pourquoi certains, même d'ailleurs, dans l'histoire, étaient prêts à mourir pour leur liberté. Bon. Mais, ça passant, la souffrance comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la souffrance. Okay? Moi, si je pouvais choisir, je ne souffrirais jamais. Soyons clairs. Mais, simplement, ça a une utilité. Je ne dis pas que celui qui n'a pas souffert n'a rien commis. Non. Mais ça a une utilité. Quand quelqu'un souffre, on se ressent sur soi-même. Quelqu'un qui est dans une grande souffrance, une vraie souffrance, on est ramené à la plus stricte expression de ce que nous sommes. C'est peut-être un peu compliqué. On se ramène à l'essentiel, à ce que nous sommes vraiment. Je peux avoir une belle voiture, je suis content de ma voiture. Quand je roule, c'est vrai que je suis content de ma voiture. En France, je n'aurais jamais eu une voiture comme ça. Je suis bien content de ma voiture. J'ai du mal à l'acheter au début, mais bon. Mais je ne voulais pas parce que... Mais bon, bref. Mais aujourd'hui, si je tombe gravement malade, vous pensez que sur mon lit d'hôpital, là-bas, je pensais à ma voiture? Je pensais à ma facture de courant? Je pensais à ma facture d'électricité? Beaucoup de gens, quand ils sont à l'hôpital, machin, ils demandent, qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi une Bible. Apportez-moi une Bible. Ou apportez-moi un livre. Ou apportez-moi... Parce qu'on est introspectif, on s'arrête un moment et on se recentre. Dans le monde chrétien, la souffrance a longtemps été considérée comme une vertu. L'Église catholique, par exemple, l'a élevée au rang de vertu. Beaucoup de prêtres, beaucoup d'ecclésiastiques avaient l'habitude d'utiliser, je sais pas comment on appelle ça, de se flageller ou de s'attacher, des machins. Parce que pour certaines congrégations, la souffrance en elle-même était salvatrice, c'était le chemin qui menait à la sainteté. Donc quelqu'un qui souffrait, soit il expiait ses propres fautes, auquel cas il approchait de la sainteté, ou soit il expiait les fautes, il souffrait pour expier les fautes des autres, auquel cas il était considéré comme un saint. Il le supportait avec stoïcisme. En Afrique, on a une autre conception de la souffrance. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nos sociétés. On grandit avec. Il y a rarement de l'abondance partout. Il y a rarement la disponibilité d'avoir des médecins partout. Il y a rarement la possibilité d'avoir de la nourriture tous les jours. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était... Ma mère était pédiatre, était chef de service néonatologie. Mon père était physicien. Mais il y a des jours où j'ai eu à expérimenter des jours sans manger parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas... Voilà, ou... Bon, bref, c'est... Mais la souffrance est considérée autrement. On ne la considère pas comme quelque chose de salvatrice. C'est un état de fait. Elle est là tous les jours. Pour la plupart des Africains, la souffrance, elle est inhérente à la condition humaine. On souffre parce qu'on est un être humain. L'être humain est la souffrance. La vie est une souffrance, etc. Pourquoi? Parce que c'est une société qu'on vit. C'est pourquoi le succès, la richesse, le bonheur, mais le grand bonheur qu'on affiche, sont des choses qui appartiennent au surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de l'homme. Moi, j'ai grandi, dans la société où j'ai grandi, en tout cas à Brazzaville, la plupart du temps, dès qu'un homme devenait très riche, on disait « Ah, il a fait un pacte. » Non, il a donné son fils, il a donné sa fille. C'est-à-dire qu'il a deux... Il a fait des pratiques de sorcellerie pour que sa fille meure, pour qu'il ait de l'argent. C'est ce qu'on appelle donner sa fille ou donner son fils. Pourquoi? Parce que dans nos esprits, que quelqu'un se hisse à une haute position, il n'y a qu'une intervention du surnaturel, qui peut être de Dieu ou de l'ennemi. Dans un cas, certains conseils de l'ennemi, ou dans d'autres cas, l'autre chemin, c'est de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'évangélistes chez nous ont du succès avec l'évangile de prospérité. Que Dieu, c'est le Dieu qui donne de l'argent. Viens à Jésus, et c'est le message souvent, ce qui est dommage. Beaucoup, ce n'est pas tous, certains prêchent le vrai évangile, mais énormément d'évangélistes prêchent ça. Tu es pauvre, viens Jésus te donner de l'argent. Tu es machin, viens. Effectivement, Jésus peut donner ces choses-là. Il peut être ça, mais ce n'est pas le numéro un, c'est pas le comment dire. Ce n'est pas son attribut premier. C'est pourquoi, en fait, pour certains, quand ils entendent cet évangile, tu es célibataire, tu n'as pas de mari, viens, Jésus donne un mari. Tu n'es pas machin, viens Jésus. Pour un occidental, ça peut choquer. Est-ce que vous comprenez? Ça peut choquer en disant, on réduit Dieu à un pourvoyeur, à un cash machine ou à un distributeur de bénédictions. Je mets une pièce, je prends de l'argent. On réduit Dieu à ça. C'est vrai. Pourquoi ça marche en Afrique? Parce que aussi, il faut comprendre que pour beaucoup de gens, c'est la preuve suprême de sa divinité, ça. Il faut comprendre que c'est la souffrance, la richesse. Pour quelqu'un qui sait que Tu ne peux pas sortir de la pauvreté. Sortir de la pauvreté, c'est divin. Pour quelqu'un qui sait que je ne peux pas sortir de la maladie comme ça, c'est divin. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas si simple. Moi, pendant quelques années, j'étais très fâché contre ça, contre les gens qui prêchaient cet évangile-là. Aujourd'hui, je ne le prêcherai toujours pas, mais je peux le comprendre maintenant. Pourquoi est-ce qu'il le présente de cette façon-là? Parce que donner un mari, que quelqu'un qui n'a pas de mari ait un mari, c'est difficile. Quand on n'a pas de machin, comment se marier? Comment subvenir aux besoins d'une famille? Quand nous-mêmes, le petit déjeuner le matin n'est pas assuré. Donc, c'est quelque chose. Donc, avoir un mari, avoir un travail, avoir une maison, avoir un enfant quand on est stérile, c'est du domaine du surnaturel. Quelle preuve plus éclatante de sa divinité, de sa royauté, de sa majesté, qu'il me donne justement ces choses-là, que je n'aurais pas pu avoir autrement. Sauf si j'étais allé voir les féticheurs. Amen. Donc, je vais m'arrêter là.